Salut. Tu veux expliquer pourquoi tu es dans la rue avec ton gilet sud solidaire. Bah, en fait, je suis dans la rue depuis le 5 décembre, au moins, contre la réforme des retraites, évidemment. Et puis là, bah, on sent bien qu'on peut gagner, quoi. En fait, voilà, donc c'est quand même une occasion à pas rater. Et malgré la répression policière, malgré le fait qu'ils cherchent à nous diviser un maximum, on est tout ça, syndiqués, non syndiqués, gilets jaunes, voilà, et c'est vraiment très très bien. Toi, tu es syndiqué de quel métier ? Moi, je suis syndiqué à Sud Éducation, je suis prof en collège. Okay. Voilà. C'est dans quel collège ? Collège Charcot de Oissel. Okay. Voilà, donc on est quelques-uns à être en grève reconductible au collège, donc la reconduction a lieu aussi de façon minoritaire, mais elle a lieu quand même dans l'éducation nationale. Et sur les grosses journées, on est très nombreux. Toujours très nombreux. Ton prénom, c'est quoi ? Marc. Merci.